Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 19. De la volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Que veut-il? Comment veut-il? Effet de sa volonté, il ne veut pas le mal. Volonté de signe. 1. Y a-t-il volonté en Dieu? La volonté est une suite de l'intelligence. En effet, tout être est ainsi disposé à l'égard de sa forme naturelle que, quand il ne l'a pas, il aspire et tend vers elle, et que, lorsqu'il l'a, il s'y repose. Il en est de même pour toute perfection naturelle. Cette inclination vers ce qui est bon s'appelle appétit naturel dans les êtres dépourvus de connaissances. L'intelligence a naturellement une disposition semblable pour le bien intelligible qu'elle perçoit. Le possède-t-elle? Elle se repose en lui? Ne l'a-t-elle pas? Elle le recherche, et c'est précisément dans ces deux actes que consiste la volonté. Ainsi il y a volonté dans tout être qui a une intelligence, comme il y a appétit animal dans tout être qui a des sens. Dieu a l'intelligence, il a conséquemment la volonté. Note. La volonté divine est toujours en possession du bien, qui est son objet, ce bien, c'est l'essence divine elle-même, aussi Dieu n'a-t-il pas d'autre moteur que lui-même. Fin de la note. 2. Dieu veut-il autre chose que lui-même? Dieu, qui se veut lui-même, veut encore autre chose que lui. Cette vérité va nous devenir sensible par les similitudes que nous avons déjà signalées. Les êtres n'ont pas seulement pour leur bien propre une inclination naturelle qui les porte à l'acquérir quand ils ne l'ont pas et à s'y reposer quand ils le possèdent, ils sont portés, en outre, à le répandre, autant que possible, sur les autres êtres. Voilà pourquoi nous voyons que tout agent, suivant son actualité et sa perfection, reproduit son semblable. Cela nous prouve qu'il est dans la nature de la volonté de communiquer à autrui, dans la mesure du possible, le bien que l'on possède. Il en est surtout ainsi dans la volonté divine, de laquelle découlent par similitude toutes sortes de perfections. Donc, si les créatures communiquent aux autres êtres leur bonté à proportion de leur perfection, on juge bien qu'à plus forte raison la volonté divine est portée à communiquer à d'autres êtres sa bonté en la reflétant sur eux autant que cela se peut. Ainsi Dieu, en se voulant lui-même, veut aussi les autres choses. Il se veut comme fin, il veut les autres êtres comme se rapportant à cette fin, et, dans ce dessein, il les fait participer à ses divines perfections. 3. Dieu veut-il nécessairement ce qu'il veut? Dieu veut nécessairement quelque chose, mais non pas tout ce qu'il veut, il veut essentiellement sa bonté, comme nous voulons nécessairement le bonheur. Pour les autres choses qui sont en dehors de lui, il les veut en tant qu'elles se rapportent à sa bonté comme à leur fin, mais il ne les veut pas d'une nécessité absolue, parce que sa bonté, qui est parfaite en elle-même, peut subsister sans les choses créées. 4. La volonté de Dieu est-elle la cause des choses? Du moment que Dieu est la première des causes et qu'il agit par son intelligence et par sa volonté, il est certain que c'est lui qui a prescrit à la nature le but qu'elle doit atteindre, ainsi que les moyens qu'elle doit employer pour y parvenir. Conséquemment, il est, par son intelligence et par sa volonté, la cause de toutes les choses, son intelligence conçoit, sa volonté réalise. 5. La volonté de Dieu a-t-elle une cause? Dieu connaît tout dans son essence par un seul regard, il veut tout d'un seul mouvement dans sa bonté. De même qu'il n'a pas besoin du principe pour connaître la conséquence, ni de la cause pour comprendre l'effet, de même la volonté qu'il a de la fin n'est pas la cause de la volonté qu'il a des moyens, bien qu'il veuille que les moyens se rapportent à la fin. Sa volonté n'agit jamais sans motif, mais il est certain qu'elle n'a pas de cause étrangère. Note. Dieu trouve dans sa bonté même la cause de sa volonté. Comme il comprend toutes choses par un seul et même acte d'intelligence, il veut aussi toutes choses dans un seul et même acte d'amour. Fin de la note. 6. La volonté de Dieu s'accomplit-elle toujours? La volonté de Dieu étant la cause universelle de tout ce qui est, elle s'accomplit toujours. Les choses qui s'écartent de ses lois par un côté rentrent dans son empire par un autre. Le pécheur, par exemple, qui se soustrait à sa miséricorde, n'échappe pas au coup de sa justice. Note. On peut distinguer en Dieu deux sortes de volontés, l'une antécédente, l'autre conséquente. Dieu veut d'une volonté antécédente que l'homme vive, mais il veut d'une volonté conséquente, c'est-à-dire absolue, que les criminels soient mis à mort. Il veut d'une volonté antécédente que tous les hommes soient sauvés, il veut d'une volonté conséquente la damnation des méchants. Fin de la note. 7. La volonté de Dieu est-elle sujette à changer? Dieu, disait Moïse aux Israélites, est loin de changer comme les hommes. Nombre 23, 19. Le changement de volonté dans un être en suppose un dans ses idées ou dans sa manière d'exister. Or nous avons démontré que la science et l'être de Dieu sont immuables. Donc sa volonté est pareillement immuable. Note. On nous objectera peut-être cette parole de Dieu même. Je me repens d'avoir fait l'homme. Genèse 6, 7. Celui qui se repent, dira-t-on, a une volonté changeante. Qui ne le sait, cette parole du Seigneur a été dite figurément par une imitation de notre manière de parler. L'homme qui se repent détruit ce qu'il a fait, mais une telle conduite suppose-t-elle nécessairement un changement de volonté? Non, puisque quelqu'un peut faire une œuvre avec l'intention de la détruire ensuite. C'est ainsi que Dieu, qui a détruit le monde par le déluge, nous est représenté comme se repentant. D'autres ont remarqué que Dieu a ordonné dans un temps d'observer les cérémonies de la loi judaïque, ce qu'il a défendu à une autre époque, n'en résulte-t-il pas que sa volonté est variable? Point du tout, il s'ensuit uniquement qu'il a voulu un changement, vouloir que les choses changent, ce n'est pas changer de volonté. Fin de la note. 8. La volonté de Dieu rend-elle nécessaire ce qu'elle veut? La volonté divine, qui est douée d'une souveraine efficacité, non seulement accomplit tout ce qu'elle veut, mais elle fait que tout s'accomplit comme elle veut. Or, pour l'ordre et la conservation du monde, elle veut que certaines choses arrivent nécessairement, et d'autres contingemment. Elle assigne donc aux unes des causes nécessaires, aux autres, des causes contingentes, et les choses arrivent d'une manière contingente ou nécessaire, selon qu'il lui plaît. Note. Si la volonté divine rendait tout nécessaire, où serait le libre arbitre de l'homme, et, partant, où serait le mérite? Fin de la note. 9. Dieu veut-il le mal? Dieu ne veut d'aucune manière le mal moral, c'est-à-dire le péché, car le péché détruit le bien qui se rapporte à sa bonté. Mais il veut le mal de la nature et le mal de la peine en tant qu'ils produisent des biens qu'il désire. Le châtiment maintient les droits de la justice, et la destruction de certaines choses naturelles est nécessaire à l'ordre universel. Note. Le mal de la nature, ce sont les maux physiques, le mal de la peine, c'est le châtiment, le mal moral, c'est le péché. Fin de la note. Quant au mal moral, il n'est pas bon qu'il soit. S'il produit quelquefois le bien, ce n'est qu'accidentellement, en dehors de l'intention du pécheur, Dieu ne le veut pas. Mais, dit-on, Dieu veut que le mal se fasse, puisqu'il le permet. Dieu ne veut ni que le mal moral se fasse, ni qu'il ne se fasse pas, il veut permettre qu'il se fasse, et cette liberté qu'il accorde est un bien. Note. Murmurer de ce que Dieu n'empêche pas l'homme de faire le mal, a dit Jean-Jacques Rousseau, c'est murmurer de ce qu'il le fit d'une nature excellente, de ce qu'il mit à ses actions la moralité qui les ennoblit, de ce qu'il lui donna le droit à la vertu. Conféré Milou de l'éducation livre 4. Fin de la note. 10. Dieu a-t-il le libre arbitre? Dieu veut sa bonté nécessairement, et il veut les choses extérieures librement, il a donc le libre arbitre à l'égard des choses extérieures à sa nature, quoiqu'il ne l'ait pas à l'égard de lui-même, il se veut nécessairement. Note. Dieu ne peut vouloir ni choisir le mal moral, puisqu'il veut nécessairement sa bonté, à laquelle le péché est opposé, mais il a la faculté de choisir entre tel ou tel bien, et cela suffit pour le libre arbitre. Fin de la note. 11. Peut-on distinguer en Dieu la volonté de signes? Les hommes révèlent leur volonté par la défense, par le commandement, par la loi. C'est ainsi que nous donnons au précepte de Dieu le nom de volonté divine, comme dans ses paroles, que « votre volonté soit faite » Matthieu 6, 10. La volonté de Dieu est une, puisqu'elle est son essence. On a donc raison de distinguer en Dieu comme deux volontés, la volonté dite de bon plaisir, ou la volonté une, puis la volonté de signe, qui se prend au dehors pour la volonté de Dieu elle-même. 12. Y a-t-il cinq signes de la volonté de Dieu? Il y a cinq signes de la volonté de Dieu, ce sont, la défense et la permission à l'égard du mal, le commandement, le conseil et l'opération à l'égard du bien. En effet, nous avons appelé signes de la volonté les marques dont l'homme se sert pour révéler la sienne. Or, nous manifestons notre volonté directement par nos opérations, en faisant, par exemple, une chose de notre propre main, et indirectement par la permission, en n'empêchant point de la faire. Nous la manifestons ensuite par nos ordres, nos défenses et nos conseils. Appliqués à Dieu, ces signes s'appellent simplement volonté divine. La permission et la défense concernent le mal, l'opération, le bien en général, le commandement, le bien obligatoire, le conseil, le bien surabondant. Note. Les conseils peuvent avoir un double but, celui de faire acquérir de plus grands biens, et celui de faire éviter les moindres péchés. La permission du mal regarde le mal physique. Ce mot, appliqué au mal moral, signifie seulement que Dieu laisse commettre le péché. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.